Ronde 2, préparation du Commons Camp Naples et Balkan aussi, vous allez parler. Pour votre information, cette ronde s'arrêtera à 15h30. Ah, oui, c'est une heure. Celle-là. Sí, estamos buscando a él. Ah, vale. Ça dépend de votre événement, ça date. Oui, mais qu'est-ce que vous faites à Bilbao? C'est voir les teams académiques. C'est l'organisation d'une séance fantôme. Claro que il n'y a pas de... La séance grise, voilà. Non, il n'y a pas de garder pour l'organisation du prochain commerce. Ah, d'accord. Donc vous êtes là... Dans le mois d'avril, mais probablement. Peut-être un peu décalage. Je sais pas encore. Ça dépend des disponibilités. Ah, non, c'est le type de réseau Team Academy. C'est une école d'entrepreneuriat assez radicale, pédagogie radicale. Ah oui, c'est du point de vue des institutions, je travaille dans les institutions culturelles. C'est une formation en entrepreneuriat d'équipe. Ça a commencé en Finlande. Mais à Montréal, là-haut, ils sont tout le monde de l'Université de Montréal, donc coopérative. C'est super intéressant. Ils en ont une à... Il y a une école à Madrid. C'est une école en Finlande. Ils en ont une en Suisse pour récente. Ils commencent à associer. Il y avait Anastasia qui voulait suivre cette cercle. Juste un peu l'expliquer. Ça vous dérange? Pas d'examen. Moi non. Donc c'est éducation. 4 ans. Mais je l'appelle parce que je crois qu'elle pensait que c'était plus tard quand tu es connecté. Ok. Et pas trop, c'est la pédagogie, non, c'est ce que j'ai vu de plus local. Puis pour avoir visité en Finlande, la maison mère, ça a commencé. Comme moi. Wow. Et ça s'appelle comment, Team Académie. C'est qu'on organise un voyage avec des gens du Québec. Pour l'université, parce qu'il y a un peu d'intérêt de créer cette école-là. Donc, je voudrais être en Europe, si je peux coordonner, je fais la tournée avec les gens, je peux descendre peut-être. Tout est ton fou. Team Académie. Team Academy. Ça va être des prix de... We create team entrepreneur. Team Academy Netherlands. Oui, il y en a deux en Angleterre, je pense. Il y en a un au Brésil. Et il y en a une aussi à Madrid. Ouais. Attends, je cherche la... Il y en a un, j'ai visité le Team Academy à Séoul. Il y en a un en Corée. Ah oui, c'est ça. Ah oui. what we do? We start to discuss. We can start. Yeah. Yeah. Je continue de parler en français, ça va? Oui. We start, no? E incominciamo, perché se altrimenti che stiamo a fare. A Mondragon in Academy. Sì. Ce que je propose, c'est qu'on commence par plus peut-être raconter un peu l'histoire des Commons Camp, d'où ça vient, comment on a fait, etc. Et comme on continuera le troisième cercle, on pourra avoir d'autres gens qui nous rejoignent comme Monica, David, peut-être probablement David aussi de Grenoble. La personne en invité de Serbie. Oui, c'est ça, mais je l'ai pas retrouvé. Donc Arangel, peut-être d'autres personnes, mais en tout cas qu'on. Au moins que là, dans un premier temps, on partage l'expérience déjà de Commons Camp. Et puis bah, vous posez, enfin, je veux bien faire une petite présentation, mais après, c'est pas une conférence. En fait, peut-être que bon, la façon, enfin, il y a deux points de départ, si on peut dire. Nous, à Remix, ça fait depuis pas mal d'années qu'on travaille à la fois sur l'école des communs et sur le mouvement des communs. On essaye à la fois d'articuler un peu l'école des communs et le mouvement des communs et de faire en sorte que ça se croise, ça se nourrisse mutuellement et que les rencontres nous permettent de mettre en pratique en même temps et d'avoir une dimension d'articulation politique aussi. Et le Commons Camp, c'était que quand on a en 2016 ou 2017, quand on a fait l'Assemblée européenne des communs, en parallèle de ça, ou quelques années avant, on avait fait à Montréal Art of Commoning, par exemple, l'art de l'en commun, qui était une rencontre sur les communs de 3 jours. On avait ça déjà en tête. Quand on a fait l'Assemblée européenne des communs, là, on a mobilisé les réseaux, les militants en Europe. On a fait une première rencontre en France. De 30 personnes à peu près, on a décidé de commencer ce qui est devenu l'Assemblée européenne des communs. Et la première rencontre, ça a été à Bruxelles, où on a fait à peu près 150 personnes pendant 2 jours au Parlement européen, avec construire des propositions politiques. En fait, ce qui est important, c'était pas seulement la rencontre, mais là, c'était de voir comment est-ce que, à cette occasion-là, le travail qu'on a fait avant, notamment avec Gaël, que je ne sais pas si vous avez vu, qui est en bas, qui fait partie aussi de Remix, on a vraiment travaillé sur comment est-ce qu'on peut construire des propositions politiques pour travailler avec les élus, travailler avec la puissance publique, etc. Et si vous regardez sur le site web de l'Assemblée européenne des communs, ou sur le site web de Remix, vous allez trouver, il y a 7 documents qui sont des propositions sur l'énergie, sur l'eau, sur 7 questions différentes. Donc l'Assemblée européenne des communs, on a fait ça dans un premier temps, et ensuite on a voulu organiser à Madrid une rencontre qui, je dirais, qui ressemble à ici, mais ça n'a pas bien fonctionné. Et du coup, on a essayé de réfléchir, c'est là qu'est née l'idée de Commons Camp. C'est-à-dire qu'on avait cette idée d'Assemblée européenne des communs, de rencontre d'Assemblée européenne des communs, qui a mal fonctionné à Madrid parce que c'était trop détaché du territoire. C'est-à-dire que c'était les organisateurs de différentes organisations en Europe qui s'étaient réunis pour organiser la rencontre, mais ce n'était pas suffisamment accroché sur le territoire. Et donc l'idée du Commons Camp, c'était de renverser ça, de dire comment est-ce qu'on peut construire une rencontre internationale, en tout cas une rencontre avec des gens qui viennent de différents endroits, mais surtout qui va servir, qui va partir de l'endroit où on est et qui va nourrir, qui va renforcer l'endroit où on est, et en même temps qui va permettre de tisser des liens et qui va permettre de commencer à faire un réseau qui devient un mouvement. Et quand on a commencé à faire ça, en 2018, on a eu plusieurs... en fait, on avait un financement. On avait prévu un Commons Camp, un séminaire sur la dimension juridique des communs et développer des outils pour travailler ensemble. En fait, on a pris cette deuxième partie, le séminaire et les outils, on a annulé ça, on a fait Marseille. C'est-à-dire que l'argent qu'on utilise là, c'est l'argent qui était prévu pour faire ça. Depuis ce moment-là, on a discuté avec les fondations, discuté avec les autres organisations comme Commons Network, comme European Alternative, Peer-to-Peer Foundation, qui était co-organisateur de l'Assemblée européenne des communs. Et on a dit, nous, on va pousser, notre option à nous, c'est qu'on veut pousser des Commons Camp, ou en tout cas, on veut pousser un travail de construction du mouvement des communs. Et c'est en discutant avec toi, je me rappelle, qu'on a dit, bah, en fait, ce travail-là, on pourrait le faire sous forme de Commons Camp. C'est sous forme de plusieurs Commons Camp. Avec, au milieu, la rencontre de Barcelone. Voilà à peu près l'histoire, pourquoi on est là. Après, bah, comment est-ce qu'on fabrique un Commons Camp? En fait, on a commencé à travailler là-dessus à Grenoble. Tu peux raconter peut-être. Ou en tout cas, déployer le... Grenoble, ça a été un premier terrain, parce que l'idée, dans notre idée du Commons Camp, c'est de pouvoir arriver assez rapidement à avoir une espèce de cahier de charge pour dire, regardez, vous êtes dans votre communauté, vous voulez organiser un Commons Camp, voici un peu le guide de préparation de Commons Camp. Ça va être quelque chose de très simple. Bon. Mais on s'est rendu compte, l'expérience de Grenoble nous a appris des choses. Puis c'est ces choses-là qu'on essaie de réinjecter. La première dimension, c'est la facilitation, l'organisation du processus de la journée. Ça, c'est, on s'est rendu compte qu'à Grenoble, on a une première journée qui a bien été, une deuxième qui a commencé à être puis la troisième, ça a été baisse d'énergie. Enfin, on pense qu'il faut structurer un processus qui soit à la fois créatif, imaginatif, ouvert aux propositions des gens qui sont sur place. Pas penser qu'on a toutes les questions, faire en sorte que les questions viennent du milieu, parce qu'on veut une interface avec le milieu. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas les communs qui viennent, puis il y a des gens qui sont très connaissants des communs. Donc, comment on joue tout ça? Ça, Grenoble nous a appris qu'il faut vraiment être sensible à l'inclusion, à la question linguistique, à la question de permettre aux acteurs, d'avoir juste des participants ici, des gens qui sont capables d'aller proposer des choses sur le mur, de lever la main. Donc ça, c'est une condition pour nous, là, c'est essentiel. Ça fait partie de qu'est-ce que c'est un Commons Camp. La deuxième dimension, c'est celle qu'on travaille beaucoup, puis on travaille avec Monica, c'est la documentation. Trop souvent, ces réunions, ce que je veux dire, c'est ces réunions-là sont des n'est-ce pas de traces, ou c'est accidentel. Donc il faut être intentionnel dans ce qu'on veut récolter. Bon, t'es trop clair, pourquoi on tient un Commons Camp? Ça va? Ça va au niveau de l'onde? C'est pas trop rapide? Je peux ralentir. Un petit peu rapide. C'est bon. Donc, la documentation. Il faut laisser des traces pour les gens qui ne viennent pas, puis il faut laisser des traces pour le futur, pour le prochain. On apprend des choses ici. Comment on fait en sorte que nos apprentissages qu'on fait ici vont servir plus tard s'il faut laisser des traces? Donc, cette dimension de documentation, avec Fun Pro Common, avec Remix, on y tient. Puis il faut trouver, encore dans le cahier de charge, dire aux organisateurs de Commons Camp, c'est nécessaire, c'est important. Et l'autre chose qui vient en lien avec ça, on voudrait que les gens qui ont participé à Marseille puissent aller dans un autre Commons Camp pour contaminer, disséminer, partager leur expérience. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des participants Commons Camp qui s'en vont dans d'autres Commons Camp pour hybrider, continuer une conversation qui était amorcée, sentir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc l'idée aussi, c'est que la communauté, dans les Commons Camp, c'est une occasion d'apprendre mutuellement, mais aussi qu'il y a des passeurs, des gens qui ont dit « j'étais à Marseille, il s'est dit ça ». Donc c'est une autre manière aussi de documenter. On documente par le storytelling, on peut documenter par la présence, les connexions qu'on fait. Donc ça, c'est la troisième composante, Fred en a parlé, c'est qu'il faut, on ne veut pas être un événement sous coupe volante. Un événement sous coupe volante, c'est qu'on atterrit sur une place et on repart. Il reste peut-être quelques traces, les gens ont vu l'événement, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, on veut vraiment être un événement ancré localement. Donc, c'est dire que dans l'organisation de Commons Camp, il faut qu'il y ait une mobilisation du milieu. Du moins, il faut qu'il y ait des co-organisateurs très proches du milieu qui nous ouvrent aux occasions qui se présentent de faire en sorte d'avoir des expériences de cinéma, d'aller visiter des lieux, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme espace pour les communs. de façon aussi, quand on dit aider les communs, c'est aussi comme visiteur ou participant, c'est s'intéresser à ce qui se fait et se nourrir et puis de pouvoir. Ça, c'est, je dirais que c'est les trois composantes de Commons Camp. À partir de là, nous, on, c'est les trois choses auxquelles on tient, c'est les trois choses qu'on a appris, puis c'est les trois choses qu'on aimerait que le branding Commons Camp, ça soit, porte ces trois éléments-là. Le reste, c'est-tu deux jours, c'est-tu cinq jours? C'est l'énergie de la place, c'est les besoins, c'est les questions qui viennent. L'idée, mais aussi, c'est de co-organiser localement. Et il y a des organisations qui peuvent être en appui. Donc, Remix est en appui, Profane Pro Commune sont en appui. Ils peuvent dire, nous, on a des capacités, il y a d'autres capacités qui vont se développer. Donc, on est en appui dans la mesure où on peut offrir des services de numérique, on peut aider à la documentation. Donc, notre rôle, nous, qu'on voit dans Remix, c'est de soutenir en donnant les outils et en raffinant à chaque fois les méthodologies autour du Commons Camp. On prend en charge ce boulot. Mais en même temps, l'organisation, la création des Commons Camp, on voudrait que ces trois éléments de base, vraiment, on y tient beaucoup, là, et de développer notre capacité à tenir des Commons Camp. Ça peut être dans les petits lieux, hein, ça peut être, on peut imaginer des grandes villes, mais des petits lieux aussi, on pourrait dire on veut essayer quelque chose. Ça, ça a été la leçon de Grenoble. Qu'on a essayé d'injecter dans Marseille. Il y a des leçons de Marseille déjà. Par exemple, la proposition que vous avez faite en disant bah, on ne va pas venir seulement avec des spécialistes juridiques, mais aussi avec des artistes. Et du coup, on est vraiment sur une rencontre où on co-construit et ce qui va se passer ce soir, ce qui va se passer demain. Ça, c'est des choses où on commence à tirer les leçons de ça et puis on va pouvoir garder ça. Et je pense que c'est super important. Et on ne pouvait pas imaginer ça avant, en fait. On imagine ça en disant que dans Remix, on a toujours l'intention de produire ce qu'on appelle les artefacts culturels de la culture des communs. Mais on a notre capacité, puis on est ce qu'on est, mais avec les artistes, avec des propositions créatives, avec des gens qui veulent écrire des nouvelles, faire des portraits, ça vient nourrir. C'est du matériau qui travaille pas trop l'intellectuel, c'est quoi les communs, c'est quoi la définition, mais ça donne le témoignage, ça donne... je fais ça moi aussi. Donc il y a comme cet engagement de dire, je suis peut-être un commoneur. Donc cette émotion-là, on veut aussi la porter. Cette posture-là, cette idée que c'est proche les communs, c'est pas très loin, c'est quelque chose qui peut être incarné en soi ou, et qui s'exprime aussi. Fait que ça, c'est, on est tellement contents là, que ça se passe. Ça. Il y avait un petit peu ça à Grenoble, mais pas assez. Ici, ouais. Voilà. Même j'aimerais savoir votre expérience jusqu'à présent. Est-ce que vous pensiez que ça allait être ça? Vous vous attendez? Non, c'est yo. Je devrais en français. Sì, sí, però se parli italiano. In italiano, in inglese, in spagnolo. No. Non perdere. Diciamo, per me sarebbe importante capire che sia, diciamo, un'idea comune che i campi sono stati anche immaginati come appunto un processo, come tappe di un processo in cui c'è un incontro, diciamo, più internazionale, più importante in quanto i commons. Il faut dire que les Commons Camp ils sont imaginés comme des étapes d'un processus qui va jusqu'à Barcelone. Che Barcellona adesso è una delle importanti tappe perché porta la discussione dei Commons dentro altre discussioni che li attraversano sicuramente ma che sono anche differenti, quindi non saremo più noi soli, diciamo così, per quanto, ma saremo dentro dibattiti anche più diversificati. Barcelona elle est importante parce que la discussion sur le comment va être importée sur des places qui ou d'autres discussions de débats se déroulent. Donc on va bâtir de nouveaux réseaux et avec de nouvelles thématiques. E anche quando immaginavamo questo dal punto di vista organizzativo, abbiamo pensato come già qui in realtà, forse speriamo meno a Napoli, ci sono pezzi di società che non riusciamo a, con cui non riusciamo a collaborare. Quand on a organisé ça, on a tout de suite pensé qu'il y a des pièces de la société avec lesquelles on n'arrive pas à coopérer. E questo può essere un rischio ancora più grave nel caso del Social Forum, che in quanto mondiale diciamo, la marginalità si moltiplica e le difficoltà a partecipare. Con il Forum Social Mondial ça c'est encore plus difficile parce qu'il y a encore plus de possibilités d'être marginalisé. E per questo noi per esempio avevamo pensato una campagna di match funding. E speravamo di poterlo in realtà lanciare già qui a Marsiglia in questi giorni, ma non ci siamo riusciti. Il aveva pensato a una campagna di match funding, di cofinanciamento, ma il voleva la lanciare ici, ma non sono pas arrivati alla fine. Con Frederic abbiamo praticamente il match funding si fa con un'istituzione che mette 5.000 euro. L'idea sarebbe di avere un'istituzione che mette 5.000 euro? L'istituzione come Leopold. La fondazione Leopold Mayer dovrebbe mettere 5.000 euro. E l'idea è creare la campagna e idealmente anche degli eventi per finanziare e cercare questi altri 5.000 euro. L'idea sarebbe di fare una campagna sia con degli eventi per cercare di raccogliere 5.000 euro. E l'idea era per esempio, questa sera quando i compagni di Napoli facevano lo spettacolo, potevamo già chiedere per esempio di appoggiare la venuta di... Per esempio, come on fait des spectacles aujourd'hui, même les Napolitains, ils pensaient qu'on pouvait recueillir de l'argent pour déjà être destiné pour que des personnes du tout le monde. E lo stesso diciamo a Napoli, no? Se vengono artisti da Marsiglia, ci saranno altre attività, si potrebbe chiedere, no? O lanciare anche questa idea della campagna. E la mia idea per essere lanciata a Napoli o con lo scambio per Napoli. Noi pensiamo che in un paio di settimane riusciamo a lanciare la campagna, che la piattaforma sarà Goteo. No, come forum Barcellona. No, come rete dei commons. Ok. Dans deux semaines, il croit qu'il peut lancer la campagne avec la plateforme Goteo come reso dei commons. E prima di lanciare la campagna, adesso finisco qui. Prima di lanciare la campagna passeremo un Excel di una serie di persone, diciamo, vogliamo fare una lista delle persone che partecipano in questa campagna, di chi sarebbe importante invitare per voi. Che avant de faire de lancer la campagne, il veut faire une liste partagée avec des noms des personnes qu'on voudrait inviter. Per esempio io e li abbiamo già invitati al pre-forum. Per esempio l'ho invitato una persona che l'ho già invitato al pre-forum. Che era la rappresentante delle comunità tradizionali del Brasile. Sei una rappresentante delle comunità indigene del Brasile. Sì. E per esempio loro parteciperanno anche in un video spiegando perché è importante fare questa campagna. Cioè perché aiutare anche loro possano essere rappresentati. Ils vont aussi faire une vidéo comme publicité pour expliquer pourquoi il est important d'avoir la possibilité d'être invité. Mm. Lo mismo, diciamo, le stesse persone che magari potranno ricevere questo aiuto. Donc l'idée c'est d'avoir un vidéo avec les mêmes personnes qui pourraient recevoir ce financement pour venir au Forum de Paris. Et la cosa importante è spiegare perché la presenza di questa persona è importante per il movimento dei commons. Et c'est aussi très important d'expliquer pourquoi la présence de cette personne elle est importante pour le mouvement des commons ici. Donc ça c'est un peu l'idée de la campagne. La campagne finalisée à l'inclusion de tout ce qui peut être marginalisé, donc chaque espace de commun, etc., peut individuer des situations marginalisées. Prendre une vidéo qui soit l'exemple de l'auteur, des acteurs qui sont marginalisés et qui explique pourquoi c'est important d'avoir la chance de participer. Donc c'est ça le clem de la campagne. Ça vient de Combien de personnes tu penses qu'il faudrait essayer de faire venir? Ouais. Il problema è questo, che in realtà con, se riusciamo a, io credo che possiamo arrivarci ad avere 10.000 euro, cioè 5.000 già li abbiamo e dobbiamo raggiungere altri 5.000. Come potrei probabilmente arrivare a guardare 10.000 euro? Credo che dipende dal tempo in cui incominciamo a comprare biglietti, potrebbero oscillare tra i 15 e le 25 persone. E du coup, ça dépend du temps, ça pourrait être 15-20 persone. Per questo in realtà dobbiamo invitare persone che anche simbolicamente e rispetto alla comunità che rappresentano, parliamo di forze importanti. Sono essere perciò dico, per esempio, la rappresentante delle comunità, per esempio, tradizionali, oggi non solo rappresenta gli indigeni, ma anche gli altri metici, rappresenta i Quilombola di origine africana, quindi stiamo parlando di 10 milioni di persone con una struttura. Et donc il est très important de, aussi d'un point de vue symbolique de choisir des personnes qui sont vraiment importantes et représentatives de leur communauté. Par exemple, la personne qu'on avait invitée la fois dernière, elle était une personne qui était représentative de vraiment différentes communautés traditionnelles. Et est-ce que c'est à l'extérieur des offices ou à l'intérieur? À l'époque c'était l'office. Et ce qui est intéressant du coup dans ce cas-là, Je dis tout de suite une chose sur ce soir, parce qu'on avait en fait envisagé de recueillir de l'argent, on vous avait aussi demandé, mais pour les réseaux kurdes. Mais je ne sais pas si finalement on s'est mis en contact avec les réseaux kurdes. De Marseille? Oui. Ah non, mais on avait un contact, mais je ne sais pas si finalement on l'a appelé. Et donc, oui, il faut contrôler ça. Mais sinon, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Il faut aussi demander aux autres, bien sûr, mais c'est normal. Io penso che anche se sono poche persone, cioè, vedi che quando in realtà hanno un portato importante di lotte e quindi una complessità rilevante, portano energia, cioè sono persone che possono fare la differenza nel dibattito. E même si sono più di persone, 15-20, ma il apporto delle energie nuove, se sono veramente rappresentative, il porto quand même des connaissances et des énergies importantes. Du côté de la convergence québécoise-ontarienne, francophone, mais pas juste francophone, on essaie de rejoindre les gens des communautés autochtones pour faire partie de la délégation, pour y avoir un petit peu. Ça, on est en train de travailler cette question. C'est pas moi, c'est Roland, qui suis en contact. Mais on sait qu'on est probablement sûr d'avoir un 20 000 $ via une agence qui fait des liens avec la France, la Belgique et ailleurs aussi, je pense. Donc, pour payer des liens d'hébergement pour des jeunes moins de 35 ans. Donc, on n'est pas au clair encore sur comment on va recruter ces gens. Peut-être qu'on pourra jouer à ce moment-là, aller chercher justement ces groupes plus intéressants, plus marginalisés, avant d'aller chercher des gens qui sont sûrs, qui peuvent peut-être payer les billets. Donc, on va peut-être travailler sur ce côté-là. Si, per esempio, è chiaro che anche lanciando la campagna verranno altre forme di finanziamento che si possono rappresentare in modi diversi e presentare in momenti diversi. Maintenant, s'ils font la campagne, bien sûr, ils nous ont présenté des formes différentes de financement qui peuvent soutenir aussi la campagne même. Par exemple, io avevo chiesto anche alla Ball Foundation in Brasile direttamente di finanziare. Loro mi hanno detto io non posso darti su un match funding. La Ball Foundation non possono darti un match funding. Cioè, non possono associare i loro soldi al match funding. Okay? Il a demandé à une fondation brésilienne, mais ils lui ont dit qu'il ne pouvait pas faire un match funding, donc lier son financement à d'autres financements. Però mi ha detto che, per esempio, se a aprile potrebbe direttamente comprare dei biglietti. Mais il pourrait acheter des tickets directement. Diciamo che oltre alla questione monetaria dobbiamo pensare anche in questo senso di crowdsourcing, no? che come si svolgerà, diciamo, l'organizzazione, ci saranno nuove forme, l'importante è che ci teniamo informati, abbiamo questa campagna principale, però ognuno di noi chiaramente quello che può farà. No? Il fossi, lo pensi la campagna in termini di crowdsourcing, dans le sens che chacun peut considérer ce qu'il peut faire, il peut faire pour cet effort commun. Ti hanno aggiornati sulla campagna? Allora, praticamente, come ho detto, la piattaforma che sarà usata è Goteo. Vabbè, nel senso quando esce. Adesso no, però praticamente bisogna creare un formulario, dire le attività che si faranno, diciamo essere approvati finalmente per apparire poi sulla piattaforma. Si può fare un formulario perché la piattaforma per approvare l'iniziativa e dunque aprirle. E quindi noi stiamo definendo una serie di attività, di responsabilità formali che si devono avere per... Dunque, ils sont en train de définir des responsabilités formelles qu'il faut avoir pour ouvrir le crowdfunding. E niente, quindi pensiamo, ci siamo dati 2 settimane di tempo per finalizzarle. De pouvoir terminer dans 2 semaines. Mm-hmm. E c'è già una riunione lunedì mattina con la responsabile di Goteo per diciamo, chiarire tutti i passaggi da fare per poi lanciare la campagna. Quindi va a incontrare la persona responsabile Goteo per eclaircir le passaggi che fa fare. Il y a deux, je peux dire deux choses. Une c'est comment est-ce qu'on peut renforcer l'organisation de ça? Parce que comment tu es là-dessus? Je sais qu'il y a aussi. Ora sta aiutando solo, cioè siamo io e Monti. Non ti. E Claudia? Claudia di Messico, dici? Ouais. Non. Okay. Comment est-ce qu'on peut renforcer ça? Possiamo scriverlo nel Telegram, a cui alcuni di voi già siamo. Mm. Già può essere questo, che per esempio dopo la riunione magari qualcuno che non sia io, perché sembra sempre troppo, può scrivere. No? Abbiamo accordato, adesso lo vediamo come un progetto comune, se c'è persone che vogliono aiutare a Nonti e Giacomo, benvenuti, cioè in qualsiasi attività. Peut-être si on invite les gens à faire des choses très précises, ça peut aider les gens à se mobiliser si on leur demande des choses précises, pas de s'engager en général sur la campagne, mais de dire on a besoin. Sì, io posso fare una lista di compiti, voilà. Sì, comme ça on peut visualiser les gens sur des choses différentes. Tre. Comme ça on peut embarquer des gens comme ça, c'est plus facile. Sì. La deuxième chose que je voulais dire, c'est nous on a la chance avec la fondation Charles-Paul Meyer, pour le progrès de l'homme, on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de souplesse dans la gestion des finances. Si tu vas travailler avec la fondation Böll, par exemple, Heinrich Böll, eux, ils sont très stricts. Quand tu achètes un billet, il faut l'argent du billet. Avec la dépense du billet, tu ne peux pas changer quoi que ce soit. Nous, on a la chance avec la fondation Progrès de l'Homme, tu as vu, je t'ai montré le fonctionnement qu'on a. On ne pourrait pas avoir un fonctionnement comme ça avec Heinrich Böll, ce serait très difficile. Ça, c'est un avantage. Il faut regarder comment est-ce qu'on utilise cet avantage-là pour avoir une stratégie qui fait que, par exemple, cet argent-là, on peut l'utiliser comme un levier pour aller chercher d'autres financements. C'est vraiment une possibilité parce qu'on peut, en chemin, on peut décider, on peut discuter avec la fondation pour dire on avait prévu de dépenser cet argent-là sous la forme de... voyage par exemple, et finalement on va pas dépenser des voyages, on va dépenser autre chose parce qu'il y a une autre fondation qui va payer pour les voyages. Donc ça, ce mécanisme là il faut vraiment l'utiliser. La limite de la fondation pour le progrès de l'homme, c'est qu'ils veulent pas financer des choses qui viennent, ils veulent pas financer le mouvement des communs mondial. ils veulent financer en France, en Europe. Et donc, il faut utiliser ce levier-là pour pouvoir aller chercher d'autres choses ailleurs. Comme on fait là, en mettant 5000 sur des voyages, on va essayer d'aller chercher autre chose ailleurs. Mais je pense qu'on peut aussi le faire dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le financement qu'on a là pour préparer Naples, par exemple, est-ce que ce financement-là, il permet d'aller chercher d'autres bailleurs de fonds, d'autres fondations? Par exemple, quand vous avez fait la rencontre à l'Asilo sur les communs et les villes, je sais plus, okay, vous aviez la fondation Luxembourg, vous aviez peut-être d'autres financements, je ne sais pas. Est-ce que ces fondations-là, en leur disant, en leur montrant le processus qui est en route là, est-ce que ces acteurs-là, est-ce qu'il y a d'autres bailleurs de fonds qu'on peut aller chercher avec ça? Comment est-ce qu'on peut mettre ensemble ce financement pour dire, ok, à Belgrade, à Naples, même des petits common scams qui pourraient se passer dans des endroits différents, comment est-ce qu'on peut travailler avec ça pour aller chercher d'autres financements qui viendront compléter ça? Et après, le financement de la FPH, on peut le réserver à ce que les autres ne veulent pas payer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut réfléchir à ça. Oui, qu'on garde la part flexible pour les trucs qui sont difficiles à faire avec les autres. On l'utilise pour faire un levier et on utilise tout le cheminement, tout le processus. Certaines fondations vont dire, ok, moi, ça m'intéresse de financer Naples parce que je suis une fondation italienne, je veux bien financer Naples. Le reste, c'est pas mon souci. Alors on met pas l'argent là. Voilà. D'autres vont dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus. Tant mieux. D'autres vont dire, ce qui m'intéresse, c'est que des voyages. Justement, Anna Sophia m'appelle, elle voulait écouter s'il est possible la réunion. Tout à fait. Si elle peut entendre. Però tu parli di altre parti del budget, tu parli dei 5.000 euro che adesso si devono mettere sulla piattaforma. Je parle de tout le budget. Ce que la FPH a donné, c'est un budget de 50 000 euros pour les deux Common Scamp et le budget de Barcelone. En tout cas, je dirais que c'est la façon dont on a présenté les choses, c'est de dire on peut faire deux Common Scamp. Quand on regarde le prix, le coût qu'on a dépensé à Grenoble ou qu'on dépense ici, on arrive à faire la rencontre ici avec 15 000 euros. 15 000. C'est du travail volontaire, c'est sûr qu'on ne paye pas des consultants et des hôtels 3 étoiles, 4 et 5 étoiles. Mais on paye les transports, on paye tout ce qu'on ne peut pas avoir en volontaire en tout cas. Et on a dit, sur 50 000 euros, l'idée c'était de dire 15 000 euros à Naples, ou en tout cas le premier Common Scamp, 15 000 euros un deuxième Common Scamp, et 20 000 euros sur Barcelone, sur la Forum. Ça, c'est le schéma général. Mais ça peut changer. Si on veut changer ça, on peut changer. C'est à nous de décider. Surtout ces deux barrières de fonds qui arrivent. Voilà. Donc, autrement dit, on vient de dégager de l'argent pour bonifier ou intervenir à un endroit où il y a un manque. Donc, c'est intéressant d'avoir des chiffres. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir une idée de combien ça coûte globalement, parce que comment on peut utiliser des ressources hautes pour arriver. Mais c'est un argent de levier. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, disons, c'est plus facile de dire, regardez, il y a déjà un 15 000 sur la table, est-ce qu'il ne faut pas. Tout à fait. C'est comme on a dit pour le transport, c'est de dire, on a déjà 5 000, est-ce que vous voulez compléter, matcher avec 5 000 ou 1 000 ou 10 000. Mais donc je pense que ça veut dire dans ce qu'on dit là, ça veut dire qu'il faut vraiment renforcer la campagne qui est une des activités. Ah, il y avait un appel à projet sur ça qu'on a passé à l'asile. La idea era fare questo primo video di 4-5 minuti con una narrativa generale e tre testimonianze che c'era documentaire en vidéo, la critique vidéo, avec la narration générale. E due o tre testimonianze di persone che verranno. Testimonianze. Però chi va a partecipare? Però se noi abbiamo altri contatti, altre persone che possono lanciare questo messaggio, durante la campagna possiamo far vedere questi video da un minuto e mezzo di persone nuove che non erano nel primo. Je cherche à avoir des personnes qui pourraient venir avec le financement, qui peuvent faire un minute de vidéo pour la campagne, pour expliquer pourquoi ce serait important de venir. Sì. Fare un video principale di 5 minuti e poi durante la campagna si escono altre persone, vediamo altre persone, un minuto e mezzo potrebbe, così diversifichiamo, facciamo vedere, no? E rilanciamo la campagna. Comunque durerà 40-50 giorni. Donc ce que je disais, c'est que c'est important de consolider l'organisation de la campagne, d'avoir plus de monde pour travailler sur la campagne, et c'est important d'avoir aussi un autre cercle de travail sur la stratégie de financement plus générale pour Naples, pour Barcelone, pour Belgrade et aussi pour en général. Parce que je pense que moi je connais pas par exemple les gens de Rosa Luxembourg, mais je pense le Frédéric de Rosa, Federico. Je crois que c'est des gens qui sont sensibles à la dimension politique de cette action-là. Et si on peut leur expliquer le processus, voilà. Je pense qu'ils peuvent amener des financements. Après, à eux de dire s'ils peuvent amener à Naples, s'ils peuvent amener à Barcelone, s'ils peuvent amener à, en général, on peut discuter. Et il faut chercher d'autres possibilités. No, e quindi cioè, come budget voi cosa vi aspettavate, tu che dici di come sta andando il primo rispetto ai budget, eh? Rispetto a cosa? Ai budget generali che ci ha descritto prima, 15.000 se stanno sforando, sì, come sta andando. Mi domande se le budget che vous aviez prévu ça è allé effectivement comme ça, ou vous avez dépensé un peu plus, un peu moins, comme vous voyez. Le premier budget de Grenoble, on a dépensé moins qu'on avait prévu. Parce qu'on a des alliés qui ont ajouté aussi des sommes, puis ça a permis, puis ça a coûté moins cher. Ça a coûté un peu moins cher. Mais on n'avait pas de facilitation. Là, on n'a pas non plus de facilitation qu'on a payé. Là, je pense qu'on est aussi un peu moins que ce qui était prévu. Je pense, mais c'est difficile pour l'instant parce que... Des 15 000 personnes. Cioè, di 15.000 euros. Ouais. Le premier budget qu'on avait prévu de Grenoble, c'était 10 000 euros. On a dépensé entre 7 et 8 000 euros. Donc ici, on avait prévu qu'on avait pour à peu près 17 000 euros. On verra, c'est pas tout à fait fini, mais je pense qu'on est un peu en dessous. Et ici, on a rajouté un autre budget qui est le budget de Art Factory pour l'assemblée des lieux intermédiaires, qui est de 8 000 euros. C'est 8 000 euros avec la moitié qui paye le travail de Jules et de Fred et la moitié qui paye l'organisation. Donc ici, dans notre budget, on avait à peu près 17 000 euros. On a dépensé là-dessus. Par exemple, quand je suis venu en Italie, à Florence, en Belgique, on a pris sur ce budget-là. Voilà. Donc je veux dire que ce n'est pas seulement à Marseille exactement, mais c'est aussi quelques dépenses autour de ça. Mais c'est vraiment la logique de développer le réseau européen. Donc on va vérifier, mais je pense qu'on est un peu en dessous du budget parce qu'on n'a pas payé de logement, et pratiquement pas de logement alors qu'on avait prévu beaucoup d'argent, et parce qu'on n'a pas payé de facilitation. Donc, par contre, je pense que la nourriture va coûter plus cher que ce qui était prévu. Mais l'un dans l'autre, on pense qu'on devrait être en dessous du budget prévu. Pour les autres budgets, on s'était basé pour la répartition des 50 000 euros, on s'était basé juste sur le, sì, sì, l'idée de. Quindi per Napoli, diciamo, sono previsti 15 000 euros. Pour Napoli, on a 15 000 euros. C'est ce qu'on a imaginé. Ouais. E voi avete pensato più o meno quanto invece avete bisogno? Non l'avete pensato? Lo pensate? Non abbiamo ancora, non abbiamo ancora pensé au budget parce qu'on n'a pas encore organisé, on n'a pas encore une idée des activités, c'est ça qu'on voulait parler aussi avec vous. Mais ce sera aussi, oui, on pourra avoir, parce que ça va coûter un peu moins qu'à Marseille, je crois, surtout la nourriture. Et je crois qu'on pourra aussi avoir des hébergements gratuits, bien sûr, mais je pense que là à Naples, je prévois bien sûr une forte présence du territoire, ville, tous les espaces, mais ça s'enchaîne aussi avec tous les espaces qui sont à niveau national. Donc là, je prévois vis-à-vis Marseille, j'imagine qu'on a beaucoup plus de monde déjà sur le territoire national à soutenir. Et donc, même si les voyages sont en terre, train, bus, etc., mais la capacité d'héberger, ça peut être qu'on n'y arrivera pas à héberger tout le monde et la capacité de savoir. Et peut être un aspect important. Pas important, mais je viens un peu, je prévois un peu les flux qu'on peut avoir. Donc par rapport à là, le territoire est vraiment presque absent. Il n'y a pas tellement. Territoire national, tu veux dire. Hein? Territoire national. National. Oui, oui, oui. Et on a pas, nous, on n'a pas du tout insisté impulsé. Pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Non, je comprends ça, mais ce que j'imagine, déjà, si c'est annoncé par l'asile, ça, tout le réseau national va arriver. Je dis seulement ça au niveau de notre capacité de solliciter des hébergements volontaires. C'est, à certains moments, c'est limité. Mais par rapport à Mondeji, toi, tu as fait du camping. Est-ce que c'est trop tôt à Naples pour faire du camping au mois d'avril? Du camping à Naples. Côté Naples. C'est un exemple. On a squatté l'asile, c'est-à-dire pour des événements qui étaient le Kino Festival. On a organisé tout le monde dormait dans la salle de danse avec des matelas, des gants. C'était vraiment aussi. Tout l'asile était en lit. Puis on avait d'autres choses, on faisait le Kino Festival. C'est aussi une possibilité, bien sûr. Non, on peut imaginer, mais. Anche anzi forse più bello visto che si possono coinvolgere, immagino gli altri spazi e si dorme, che ne so, allo Spugnizzo, si fa l'attività all'asilo, ci si incontra, non so. Sì, tutto a fatto. Questo può essere una forza che ormai c'è nella rete locale. De faire l'événement entre tous les. Oui. Même si les conditions d'hébergement de l'asilo sont. C'est toujours bon. Les conditions d'hébergement de l'asile sont plus agréables. Les autres espaces, des espaces sont plus limités. Ho fatto un esempio, può essere che dormi all'asilo e vai a discutere all'OPG. Cioè, oui, voglio dire, questa è una cosa che dovete discutere voi. Ok. No, che ci vogliono dare il posto più bello per dormire e più brutto per discutere. No, je la di che il napoletano ve la vous donner la place le più beau per dormire, le più laide per discutere, per dire. No, c'è che des autres espaces sont vraiment des conditions limites pour dormir en hébergement, c'est compliqué. Assez limite. Oh. Oui, ça c'est possible. Mais ça dépend aussi de comment on communique. On fait la communication de l'événement. Si on cherche vraiment à. C'est pas automatique que la résonation vient, il faut le pousser. Et donc, on peut décider de le faire ou de ne pas le faire ou de combien le faire. Je pense que dans une invitation, il faut surtout inviter les gens qui ont besoin d'être là. qu'on voilà. pense. Oui, donc, c'est selon, selon l'intention de l'événement, s'assurer d'avoir des personnes qui peuvent jouer un rôle après à relancer ou à peut-être se donner l'idée d'en faire un autre Commons Camp ailleurs. Donc il y a aussi cette idée-là. Et d'avoir peut-être c'est justement ces personnes qui viennent. Donc quand on dit de pollinisation, c'est d'éviter des gens qui pourraient peut-être justement intéresser ou qui ont déjà manifesté l'intérêt de tenir une activité. On les invite pour qu'ils viennent. Donc je pense qu'il y a une invitation, les invitations soient stratégiques, mais on peut les faire. Pour le mouvement, on peut les faire aussi dans le temps. On veut avoir d'autres Commons Camp, donc il faut nourrir qui viennent voir. Puis, et ils n'ont pas obligé de non plus. Quand je dis ça, c'est pas nécessairement des gens d'Italie. Ça peut être des gens de Belgrade qu'on invite parce qu'ils veulent voir un petit peu plus. On invite beaucoup de monde de Belgrade, prennent un peu. Il y a comme cette idée de développer ces connecteurs entre les personnes. Oui, il y avait en fait des réalités qu'on avait déjà envisagé d'inviter. En Italie, mais sinon oui, on peut aussi décider selon les exigences. Io credo che, diciamo, anche indipendentemente da se userete più spazi, sì che il giro negli spazi lo farei il primo giorno e non come faremo qui l'ultimo. Il dit qu'il ferait la promenade entre les espaces le premier jour et pas le dernier comme ici. Perché facilita anche a contestualizzarsi, cioè il percorso negli spazi crea la curiosità, la domanda, inizia a interagire con i compagni. Perché là c'è più facile de contextualizzare, se tu dis après dans les débats, les jours après. Mais en fait, on avait considéré que... Sì, come consiglio direi questa cosa. Mais on avait déjà considéré ça parce que on avait parlé un peu avec Anna Sofia et si on fait vendredi, samedi et moitié de dimanche, donc au vendredi, c'est probable que la majorité des personnes de Naples ne vont pas être là. Et donc, ça serait aussi l'occasion pour pouvoir un peu faire un truc un peu plus didactique, pédagogique pour les personnes qui viennent du dehors. Et donc, ouais, ça pourrait être un moment pour visiter les espaces, pour en parler un peu dans des termes un peu plus... Commons tour. C'est un peu le même format, c'est un peu le même format qu'ici, sur 2 jours et demi. Oui, ça c'était l'idée, mais il faut contrôler avec les budgets si ça peut marcher. Et on avait aussi, comme vous savez, l'idée de performer le reading dans une place de la ville. En fait, on avait considéré cette place qui est près de la gare, Piazza Garibaldi, qui est très proche d'un quartier très difficile de Naples pour des raisons de racisme et d'abandonnement presque total de l'état de ce quartier. Et on est déjà en train de faire des travaux. Il y a Emily avec nous qui a beaucoup travaillé avec ce quartier. Elle est artiste visuelle, on a fait des manifestations artistiques, etc. Donc, et là, dans cette place, la ville a juste ouvert un amphithéâtre dans la place, qui c'était bien de, ce serait bien de, d'occuper avec des manifestations artistiques un peu politiques, un peu intéressantes. Donc l'idée c'était de faire une performance du reading dans cette place, avec peut-être de la cuisine. On a des cuisines un peu plus populaires, politiques, qui sont en quelque façon engagées. Ils s'appellent les cuisines en mouvement, parce qu'ils ont créé des assemblées de cuisine en fait. Donc oui, on a envisagé d'avoir ce moment-là. Et sinon, après, on pensait aussi de venir ici, de voir comment ça s'est passé ici, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire après. Et aussi, nous voulions vous demander aussi pour la date, parce qu'on avait envisagé soit du 24 au 26 d'avril, ou le 17-19 d'avril. Donc ce serait bien de savoir s'il y a un de ces week-ends où vous avez déjà des autres événements, ou vous savez s'il y a des autres événements qui peuvent aller en conflit avec le Commons Camp, ainsi qu'on évite de... Ho capito, il fine settimana? Il 17-19 aprile. o 24-26. Per il 24 aprile a Napoli, il 25 ci sta festa nazionale. Infatti eravamo un po' scettici. La cosa sarebbe politica. Perché il 25 aprile è festa nazionale d'Italia. Sì, però a Napoli si fanno anche un sacco di iniziative. A Napoli no, è poco di iniziative, sì, per la liberazione nazionale del fascismo. Per questo credo che bisognerebbe vedere se si riesce a essere sinergiche esatto. con queste attività o si viene metabolizzato dagli impegni. Se la questione no, il confera verificarsi. No, gli ha due possibilità, diciamo, hai sì, ci sono persone che vanno in vacanza, ma ci sono anche persone molto impegnate sulla questione, diciamo, antirazzista, sulla rivendicazione antifascista dell'Italia. Vabbè, però... E quindi potrebbe essere che alcuni dei movimenti stanno anche là impegnati. E quindi ci sarebbero meno energie per questo, dico, cioè, ma cosa vostra? No, ecco, siete sa la riflessione fatta di lì. Che l'avanza anche avril c'est vacances, mm-hmm. mais c'est aussi une journée très politique. Et il y a cette tradition que dans toute la ville il y a beaucoup d'initiatives politiques. Donc ça peut arriver qu'on crée une synergie positive et donc le Commons Camp devient l'initiative politique, comme on a fait dans des autres occasions avec le bien commun le 25 avril. Mais ça peut aussi arriver que ça va en conflit et on n'arrive pas à créer une synergie et donc il y a un peu de gens au Commons Camp. Donc c'est aussi sur ça qu'il faut réfléchir, mais je crois que c'est aussi important de réfléchir s'il y a des surpositions avec des autres. Alors, juste peut-être qu'il faut, il faut se dire à quel moment il faut qu'on puisse décider de la date. Peut-être qu'il faut se donner une date pour décider de la date. Mm-hmm. Mais le maximum. Ce serait bien, je crois, de décider. Maintenant. Oui. Hier. Je crois que c'est juste faire. Vedere le disponibilità di tutti, però comunque poi alla fine la decisione finale, siccome nessuno saremo, cioè è difficile mettere d'accordo proprio tutti, la decisione finale conta a voi, come vi sentite, quale fine settimana per voi, ma questo è il mio... Quindi che finalmente c'è assez à nous, perché finalmente c'è vrai che c'è importante de voir le disponibilità, eccetera, ma c'è importante aussi che... Si je me trompe, même à Marseille, ici, on a commencé par annoncer une date dans le réseau, juste en date prospective, on pense, tout de suite, il y a des gens qui ont dit, ah, ben, il y a... Donc, le fait de dire, donc, je dirais dans le sens de prendre une date, de l'annoncer comme projet de date, là, tout de suite, s'il y a des gens qui disent, il y a des choses parallèles qui arrivent, ils vont venir voir, non, non, ils vont peut-être s'annoncer. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Après ça, on la fixe. On voici la date projetée. On regarde s'il y a des retours négatifs en disant, oh, non, non, non, non, il y a ça, ça, ça qui arrive. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé à Marseille. C'est exactement ça qui s'est passé à Marseille, parce qu'en fait, on avait choisi la date, justement parce qu'il y avait... Vous veniez tous les deux pour le travail sur le jardin Levin, et on pensait justement que ça ferait une synergie. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché, cette synergie-là. Donc on a décalé la date. Et c'est, en soi, c'est pas grave, ça nous a laissé plus de temps pour préparer. C'était important. C'était même presque mieux pour nous, je crois. Ouais, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à faire comme on a fait là. Il primo di aprile, però, non. Il primo fine settimana di aprile, non. Et pour ta question, tu dis au début d'avril, c'est possible, c'est ça? Oui. Et là, pour ta question, c'est. On avait avant un autre événement sur le municipalisme qui était prévu au mois d'avril et il a été décalé au mois de mai. Donc il y a plus, pour nous, on n'a plus de conflit de date qu'on connaît en tout cas. Peut-être que. Voilà, dans l'agenda qu'on connaît en France, on n'a pas de. A priori, on n'a pas de conflit d'agenda. Les deux dates, pour nous, ne posent pas de problème particulier. Il n'y a pas de fête nationale, il n'y a pas de. Alors après, les mouvements sociaux en ce moment, avec ce qui s'est passé hier soir avec Macron, on ne sait jamais. Ah ouais, bien sûr. Peut-être qu'il se passera d'autres choses. Mais pour l'instant, on n'a pas de. Nous le 17-18-19 avril, par exemple, ça concerne des zones en France, les vacances scolaires sont. La France est découpée en zones pour les vacances scolaires. Et nous, par exemple, à Toulouse, mais c'est peut-être pas le cas, Toulouse et Paris, c'est la même zone, mais c'est la fin des vacances pour chez nous, le 17, 18, 19, alors que le 24, 25, 26. Donc c'est encore vacances. C'est encore vacances. ça peut être pour nous plus compliqué pendant les vacances que en dehors des vacances. Mais... C'est la conciliation travail, famille, vacances. C'est ça. Tenir compte de ça. Mais ça ne concerne pas tout le monde en France. Oui, après, c'est que Toulouse, Paris. Questo è un'altra cosa da magari da considerare, cioè la questione degli spazi per i bambini. Che, per esempio a Barcellona io ho cominciato di nuovo a fare attività, in questo caso in Barcellona in comune, però perché basicamente c'è sempre lo spazio canaglia, lo chiamo lo spazio bambino. J'avais envie de faire ça. Il faut penser à de l'espace dédié à l'enfant. Ça, ouais. Oui. Parce que c'est une condition pour participer à l'espace. Oui. Sì, però è che questi bambini sono molto controllabili. Abbiamo bisogno di qualcuno che possano far giocare i nostri. Nous avons besoin de l'espace pour faire jouer les... Les enfants. Donc. Et donc c'est ça, mais aussi je crois qu'il faut contrôler sur les réseaux de Barcelone s'il y a des autres engagements. Non. Yo non. Et après, on voulait faire. On envisageait toujours de faire coïncider le Commons Camp avec les taupes locales du réseau national pour les économies transformatives. Qui serait la plateforme qui va vers Barcelone. Ouais. En Italie, on a fait une plateforme locale, plateforme territoriale italienne pour aller vers Barcelone. Et ils demandent au territoire d'organiser des étapes locales. Et donc, le Commons Camp pourrait être l'étape napolitaine, donc du territoire napolitain, pour ce parcours pour les économies transformatives. Étape. Okay. Quand je vais juste rajouter que je pense que c'est aussi important, c'est important de décider rapidement la date et de la faire circuler dans les réseaux en Europe aussi, parce que pour Marseille par exemple, on a fait circuler la date tard et du coup il y a beaucoup de gens qui auraient pu être intéressés pour qui c'était trop tard l'agenda, ils ont connu la date trop tard en fait. Et je pense que aussi la réputation de Naples, la réputation de l'asilo dans le monde des communs fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir venir plus qu'à Marseille, parce que Marseille n'a pas la même réputation que l'asilo. C'est dommage. Oui, mais en fait, on veut décider maintenant, même pour la place, pour commencer à communiquer à la ville qu'on va occuper cette place, etc. Oui. Mais donc, d'un point de vue pratique, on fait comment pour créer un groupe de travail on peut parler, je crois, maintenant des questions un peu plus pratiques pendant qu'il n'y a pas les autres. Mais ça marche comment? On fait un groupe en commun Bah, ça dépend de vos ressources. Qu'est-ce que vous avez? Avez-vous des ressources? Comment vous faites déjà? Comment vous vous organisez? Mais nous, on fait des assemblées, des tables de travail. Mais oui, on fera une table de travail, je crois. Mais en tenant un jour l'assemblée. Et après, oui, tout va être discuté avec les réseaux napolitains des biens communs. Et on va voir comment on peut aussi rejoindre le réseau national. Des biens communs. Oui. Des biens communs aux marchands et aux sages civiques. C'est le nom entier. Mais l'événement, c'est vous qui portez? C'est en tant que oui. Asilo. Nous faisons de la coordination. Okay. On voudrait essayer de le faire comme un réseau napolitain, mais il faut. Pour un leadership, il faut un porteur. C'est toujours compliqué parce que c'est 10 espaces, donc il faut l'apporter dans toutes les assemblées. Ça, il faut du temps, donc, mais sinon, c'est l'asile. Si però per esempio già no, la riunione a dicembre glielo presentai, cioè i compagni sono coscienti di questa cosa, cioè farlo già come è venuto dall'assemblea di notre napoletana a parlare di come scam, donc il sa che qualcosa bouge, ma aussi des autres espaces qu'on a cherché à appeler pour les cuisines, donc on a déjà parlé avec quelques autres réalités. Le 17 et le 18 avril, il y a aussi le séminaire d'écologie et politique du présent sur bien commun et urbanisme. Donc, oui, donc nous pouvons. Questo sì. Oui, sì. Perché sono due comunità ancora che. Cioè, noi ci stiamo dentro. Sì. Les gens qui participent, c'est de ils sont un réseau international, national mais international. National et immigrants. National et les immigrants. Les immigrants. Les immigrants italiens dans les autres. Oui, des autres universités. Et donc nous pouvons proposer de faire ensemble. Et donner les choses. C'est un focus sur. Mais ils ont des propres financements. Oui, nous sommes. Bouger. La prima settimana. Ce que je peux dire sur l'organisation, c'est que il y a eu à la fois juste concrètement, on s'est rencontrés à Rennes, enfin, on s'est rencontrés plusieurs fois, mais on était ensemble à Rennes, pour la communauté aussi. Et après Rennes, on s'est rencontrés au mois de juillet, je crois, à Main d'œuvre, où là, moi, je suis venu vous proposer qu'on fasse le Commons Camp, et on n'avait pas décidé l'endroit à ce moment-là. Donc, c'est moi qui suis venu, enfin, c'est Remix qui est venu rencontrer Art Factory, Art Factory, peu importe, en disant, on pense que ça serait bien de faire ce Commons Camp, donc un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Et à partir de là, il y avait des gens de Marseille, il y avait Joël aussi de Toulouse. Moi, dans ma tête, dans mon imaginaire, je me disais, je pense que Marseille ou Toulouse, ça devrait être des bons endroits pour faire ça. Mais on n'avait pas décidé encore. Dans la discussion, on a dit qu'il fallait favoriser plutôt Marseille. Et à partir de là, on a pris contact. Il y avait aussi Claude, qui est de Marseille, qui était à cette réunion. Et là, on a commencé à prendre contact avec les autres personnes de Marseille que nous, on connaît. Pierre Alain, Alima, en disant, Fabien Orsi, en disant, on aimerait bien proposer quelque chose à Marseille. Et on a appris qu'il y avait la rencontre auquel vous participiez au mois de novembre. On a dit, peut-être ça pourrait être cette date-là. On a fait cette proposition-là et on a fait une première réunion au mois de septembre, je crois. On est venu ici pour faire cette première réunion. Là, on est venu avec... Les gens de Marseille n'étaient pas encore très mobilisés, mais on a essayé de... Justement, on a fait cette réunion pour essayer de voir qui était mobilisé et comment ça pouvait se passer. Et cette réunion s'est passée essentiellement et une rencontre chez Claude. On était une dizaine de personnes à peu près. Il y avait Monica qui était venue aussi, il me semble. Ou c'est la deuxième qui est venue. Enfin, peu importe. Ouais, c'était à Babalex, la deuxième, je crois que c'était... Non, voilà. La première fois, on était seulement chez Claude. Et moi, j'ai visité plusieurs lieux, plusieurs acteurs pour voir si ça fonctionnait. Donc ça s'est passé comme ça. Et après, il y a eu cette... Quand la date a été changée, à ce moment-là, on a organisé une autre réunion qui s'est passée en partie à la Déviation et en partie à Béabalex, où tu étais aussi. Et là, on a commencé à... On avait refixé la nouvelle date, on a commencé à organiser et à voir comment est-ce qu'on mobilisait les différents acteurs. Mais je pense, c'est pour vous expliquer comment ça s'est passé pour ici. Mais je pense que là, on va être dans quelque chose de différent. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que, à part cette réunion physique, on s'est rencontrés, on a eu progressivement de plus en plus de réunions téléphoniques. Au début, avec seulement quelques personnes, et puis après la deuxième rencontre à Marseille, presque chaque 3-4 jours, on avait une réunion téléphonique par Zoom où il y avait 7-8 personnes, voire plus. Et cette réunion-là, toutes ces réunions-là ont été documentées dans le pad. Donc, il y avait un pad. Si vous allez à la fin du pad, vous avez la première réunion et vous remontez jusqu'à la dernière réunion. Et là, il y a, vous voyez, on peut même voir combien de personnes participaient, mais il y avait facilement 10 personnes à chaque fois. Donc ça veut dire que progressivement, la mobilisation prenait bien. Sì, per esempio si potrebbe fare la prima riunione prima che lanciamo la campagna di match funding, quindi tra 2 settimane possiamo fare una videochiamata per aggiornarci tu sulla chiusura, loro su quello che hanno iniziato a pensare. La proposizione di riunione come entro 2 settimane per discutere della campagna di match funding e di come on peut procedere per l'ampli. Alors après, deux choses. La première, c'est que moi, je pense que pour Naples, on ne va pas du tout être dans la même... on n'a pas besoin de nous faire un travail de mobilisation locale. Parce que c'est vous, vous êtes déjà mobilisés. Donc ce n'est pas du tout le même problème. C'est plutôt vous qui allez prendre la main là-dessus. Mais il y a quand même une chose à travailler. C'est ce qu'on a travaillé dans les rencontres internationales par téléphone. C'est qu'on essayait, on n'a pas tout le temps réussi, mais on a essayé de faire parler les gens dans leur langue, en tout cas permettre que des gens qui ne parlent pas français puissent un peu participer. On a un peu abandonné en route. C'est qu'on a, à un moment, on a dit finalement les réunions de préparation, on les fait en français, parce que ça ne marchera pas de faire la réunion sur l'organisation des repas avec, en espagnol, traduire en espagnol ou en anglais, ça ne servait pas à grand chose. Donc on a dit aux gens, bah, vous ne participerez pas à cette réunion-là, mais il y a le compte-rendu qui est là. Et puis, il peut y avoir des réunions d'ordre plus stratégiques, voilà, au niveau programme, le programme. Donc, J'ai vu que vous avez utilisé un traducteur automatique pour l'email. Alors, des fois, on utilise le traducteur automatique. Okay. Des fois, on utilise le traducteur automatique, on relie des choses. Comment s'appelle là, moi, j'utilise DeepL. Ah, DeepL, c'est parfait. Oui, c'est mieux de Google Translate. Mais Monica a un autre outil. Monica a un autre outil. Il faut voir lequel. Parce que j'ai trouvé très utile, très subtil, le système de la traduction automatique. Ouais. Donc on essaye, on essaye en tout cas que les communications soient toujours en multilingue, pas seulement anglais et la langue espagnole. Mais on essaye, c'est pour ça qu'on a essayé de faire la traduction en italien, même si vous étiez pas, vous pouviez pas la relire, mais au moins on essayait de proposer ça. Le formulaire aussi avec l'inscription en italien, on a essayé de faire ça. Donc faut essayer de voir dans les discussions qui sont pas des discussions juste opérationnelles locales, comment est-ce qu'on peut avoir ça, et la condition c'est le multilingue. Après, l'autre condition technique, c'est que Zoom fonctionne bien. Ça marche. On a expérimenté. Maintenant, on commence vraiment à maîtriser ça. Je pense que les gens ont l'habitude d'utiliser, c'est pas un problème. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, j'avais noté aussi que vous avez une réunion à Milan dans 2 semaines. Le 1 et 2 février. À Milan. Ok. Et donc, moi, j'ai réserver la possibilité, c'est pas une obligation, j'ai réservé la possibilité de venir à Milan s'il faut venir à Milan. Si c'est utile, je peux moi venir à Milan. C'est pas une obligation. Et je sais pas quel agenda, mais j'ai juste fait cette possibilité-là. Et ça dépend aussi de toi. Parce que c'est pas, on a presque fermé les programmes pour Milan. Donc il n'y aura pas beaucoup d'espace. Mais bien sûr, tu es bienvenue, ainsi que tout le monde est bienvenu. Donc, oui, ce serait bien aussi pour lancer le discours, mais oui, n'aura pas beaucoup d'espace. Moi, j'ai pas. Mais nous pouvons lancer une discussion entre la réseau national pour l'organisation du campus. C'est pour lancer. Donc, on ne va pas discuter dans ce moment-là. Je crois que le moment où on va vraiment discuter, ce sera à Bari. Parce qu'on a maintenant une réunion à 1 et 2 février à Milan, et on va avoir une réunion du réseau national du bien commun à fin de mars, début d'avril à Bari. Et là, ça sera sûrement utile pour lancer, pour aussi pour définir le programme. Peut-être on pourra donner peut-être plus d'espace Mais à Milano, je crois que ce serait bien quand même de lancer le parcours, donc de dire que peut-être à Bari on pourra parler de ça. Mais préparer la discussion de Bari. À Milano, oui. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps. Donc ça dépend aussi de toi, si tu crois qu'il faut. Però a Milano si può lanciare l'idea da discutere a Bari. Si lancia. Je dis, on peut lancer, mais après on ne pourra pas en discuter longtemps. Donc ça dépend de toi si tu penses qu'il faut la faire. Alors, il y a deux. Enfin, il faut faire attention parce que moi, je veux pas que le Commons Camp, c'est pas Remix ou c'est pas les autres qui organisent le Commons Camp à Naples. Donc, ça peut être aussi contre-productif que le lancement, ça soit quelqu'un qui vient de l'extérieur pour dire on va faire un Commons Camp. Il faut prendre en considération ça. Après, moi, la place dont j'ai besoin, c'est un lit pour dormir. Après le reste, non, je veux dire que. Il n'y a pas nécessairement besoin de. Quand je suis venu mon DJ, j'ai beaucoup appris et c'était très intéressant. Donc moi j'apprendrai toujours. Ça peut être à Milan, ça peut être venir à Naples dans 3 semaines, parce que ça sera mieux d'organiser, plus efficace d'organiser à Naples. Il faut réfléchir à ça. Je veux dire que c'est juste qu'il y a cette possibilité-là, on peut s'organiser comme ça. Mais regardons à quel endroit c'est le plus utile, que ça soit. Mais on peut envoyer un mail au réseau national et on peut voir qu'est-ce qu'ils pensent. S'ils veulent être dans l'organisation du Commons Camp, si on veut avoir des personnes au niveau national qui veulent participer. Et après, on peut te dire. Io credo che, no, perché prima chiedevi anche di magari pensare alle persone responsabili, magari sul programma si potrebbe anche fare un piccolo gruppo, io potrei dare una mano per esempio. Sì, per le persone. Anche per il Commons Camp. Parce que j'avais demandé si on fait un groupe de travail sur le Commons Camp napolitain. Il dit que peut-être sur le programme ça pourrait être utile. Mais c'est utile aussi pour moi parce que moi je ne sais pas vraiment qui sont les personnes avec qui il faut parler. Donc c'est plus facile, je crois, pour nous aussi, si on crée un groupe de travail comme une mailing list, quelque chose, un groupe Telegram, pour comprendre avec qui il faut parler. C'est déjà l'idée que nous, on pourrait peut-être déjà commencer à outiller en disant voici les personnes de contact qu'on a eues, nous, à Grenoble, à Barcelone, des personnes de contact qui ont déjà été dans des Commons Camp, ce qui fait que ça vous donne des points de contact pour solliciter. Donc ça, il y a déjà une chose qu'on pourrait faire, c'est au moins, on est là pour vous fournir qui était là, vous cherchez quelqu'un, vous cherchez un contact, une invitation. Ça, ce boulot, on a sûrement d'informations là-dessus qu'on peut vous offrir. Je pense qu'après, plus largement aussi, le réseau de Remix est assez grand aussi, à travers des connexions comme Kevin, comme B2B, on peut aller assez loin dans les acteurs avec qui on a des contacts. Évidemment. Ça, c'est une chose. Je voulais dire qu'on a aussi, du point de vue, on a quand même les chiffriers qu'on a fait, il y a comme je pense aux capacités techniques. Donc vous avez des espaces de travail pour déposer des fichiers, vous avez besoin d'avoir des outils de collaboration. Tu parles de Zoom, on a un compte Zoom, si vous voulez l'utiliser, okay. On programme, on peut déléguer la responsabilité, le droit de créer les réunions que vous voulez. Donc on a une capacité technique qui est au service des communs. Donc ça, c'est quelque chose que le Mix peut faire. Héberger un site web, installer un système, un logiciel, vous voulez avoir. Il y a de l'espace pour ça. Puis si c'est pas nous, on a des amis de Commons Cloud qui peuvent faire ça aussi. Cette capacité-là, on la met au service. Ce qui fait que pour des besoins de collaboration, de communication, on s'en parle. Il n'y a pas de frais à ça. C'est une capacité qui est là qu'on met au service. Parlavo anche di cose un po' piccole, cioè magari se vogliamo e abbiamo voglia di discutere anche del programma stesso, proprio nei contenuti, no? Faccio un esempio che secondo me là, noi eravamo venuti qua dicendo vogliamo parlare delle questioni giuridiche, delle questioni cartografiche, no? E le questioni della documentazione. Okay? Allora per esempio secondo me era meglio se oggi i round di discussione si preparavano non come A, B, C, D qualsiasi, ma 3 grandi temi. Documentazione, penso. Cartografie. E dentro questa... Traduco un attimo. Il dice come Par exemple, cette fois-ci à Marseille, on savait déjà des arguments dont on voulait parler. C'était la documentation, les outils juridiques, etc. Donc peut-être il aurait été mieux si, au lieu d'avoir un forum complet, totalement ouvert, on pourrait déjà dire qu'on allait parler de ça, ça et ça. Sì, e dentro questo magari fare le matrici delle articolazioni differenti, però dentro tre assi stabiliti, no? Ordine giuridico, cartografia, documentazione. E là, peut-être qu'on pouvait avoir des sous-thèmes, des sous-articolations, mais su ces axes de ce thème qu'on avait décidé de. Donc, pour Naples, tu dis d'organiser trois secteurs, économie transformative et bien commun, vers bien commun, organisation d'un réseau européen des biens communs. Je mettrais juste un bémol là-dessus, par rapport au principe du Common Scam. C'est pas mauvais, c'est toujours bon d'avoir des thèmes, c'est toujours bon de proposer, les gens sont très mauvais à proposer. De faire une demande aux gens, c'est quoi les thématiques que vous voulez traiter, c'est très bien. Il faut que la personne qui s'avance en disant je veux traiter, qu'elle s'occupe de cette thématique. Parce que souvent les gens vont lancer l'idée puis vont partir à course dans l'autre direction. Donc c'est important que lorsque quelqu'un propose une thématique, qu'il apporte. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est bon d'avoir des thématiques assez larges, qui sont qu'on sent comme important de discuter parce que vous êtes sur le terrain, vous pensez que les acteurs sont là, donc ça vaut la peine de trouver ces thématiques. Mais c'est aussi important de ne pas imposer les thématiques aux gens et de donner un espace, le programme peut être fait, mais donner des espaces où les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent parler. Parce qu'on on a une vision partielle du champ. Donnons une chance aux gens qui viennent, parce qu'on ne sait pas qui vient, à ces gens-là de pouvoir exprimer, j'ai le goût de parler de ça et d'avoir un espace. Donc je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Donc c'est bon de dire, on vous invite à venir parler de ces sujets. Bah, nous devons programmer un espace vite. Il y a des questions, puis il y a déjà des gens qui vont en parler. Ce n'est pas une réunion ouverte, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a déjà des thématiques assez mûres, ça vaut la peine d'en parler. Mais à l'intérieur du processus, ouvrir des espaces pour des conversations qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu lieu, puis qu'on n'était pas au courant que... Donc ça, je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut jouer. Donc quand je vais dans la salle, c'est pas mauvais, c'est même bon, ça participe à l'invitation. Ah, on va parler de ça. Mais en même temps, à l'intérieur du processus, il faut ouvrir ces espaces-là parce qu'on peut rater des choses, des occasions qu'on n'a pas prévues. Oui, mais je crois que c'est bien de dire qu'il y a deux lignes de travail et tout parce que je sais que j'ai raté un peu, alors si je dis quelque chose que vous avez déjà parlé, mais on a dit oui, c'est important de faire les camps, de faire les camps et de contacter les acteurs de la ville, dans ce cas-là, de Napoli, comme on a fait à Marseille. Mais de l'autre côté, il y a les personnes qui vont se déplacer par tous les camps. Et qu'on peut arriver à un moment qu'on a l'impression qu'on parle tout le temps de la même chose et on n'avance pas du tout. Et c'est génial parce que comme ça, on est en train de porter toute l'information partout, mais on reste là. On n'avance pas dans les juridiques, dans les politiques, dans les... Alors, c'est comme tu as dit, je crois trouver un équilibre pour ne pas avoir de frustration d'aucun côté, d'aucun collectif. Et peut-être aussi, moi je suis d'accord avec ça, et peut-être aussi considérer que le moment du Common Scam, il n'arrive pas comme le début de quelque chose, mais comme une étape, et que ça a été alimenté bien en amont. Que les participants peuvent se situer dans cet apprentissage parce qu'ils sont aussi et ils peuvent y aller parce qu'ils sont suffisamment conscients aussi des enjeux qui vont être travaillés. Je pense toujours aux Olympiques, vous savez, au début des Olympiques. la ville qui était hôtesse des Olympiques arrive avec le drapeau, passe le drapeau à la ville qui reçoit, puis la ville suivante prend le drapeau à la fin. De... Moi, je trouve que c'est un peu cette idée-là, mais pas cette façon-là, mais dire à Naples, ça serait intéressant que quelqu'un de Marseille participe au mot de bienvenue. En disant, ben, il y a eu un commerce à Marseille, ça, on a appris les choses, on a appris, c'est quoi les grands, la grosse perle de Marseille qui est arrivée, puis on vous l'offre. Et là, ça, on continue, puis que dans le prochain commerce camp, Naples vienne donner la perle. C'est utile qu'elle a dit, parce que nous devons faire une réalisation. Il y a la frustration de dire toujours la même chose autour de l'Europe, mais nous devons lasciare un segno, come dice, lasciare un segno di quello che c'è. Moi, je trouve aussi que c'est vrai. Enfin, pour moi, ce qui est important dans le Commons Camp, c'est pas seulement que les thèmes qu'on aborde, mais c'est que dans ces thèmes-là, en fait, on fait avancer quelque chose concrètement. Oui. Par exemple, sur la documentation, en fait, l'expérience qu'on vit là, elle montre qu'on a avancé par rapport à ce qu'on a fait à Grenoble. C'est-à-dire qu'à Grenoble, on avait l'idée de faire un laboratoire de documentation. On n'a pas réussi. Cette fois-ci, on a réussi à faire le travail avec Monica et David, à commencer à vraiment avoir une première expérience intéressante de documentation ensemble. L'idée, c'est que le chemin des Commons Camp, il nous permet de développer ces outils. Vous vous souvenez, enfin, tout à l'heure, j'avais dit que dans le projet de départ, il y avait cette problématique de comment est-ce qu'on développe des outils. Et en fait, le Commons Camp, il nous permet de le faire concrètement. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a des thèmes, les thèmes, ce n'est pas juste pour discuter des thèmes, c'est aussi pour faire dans ces thèmes. Par exemple, les outils de juridiques que vous avez en Italie, comment est-ce qu'on fait, ce qu'on disait ce matin, comment est-ce qu'on fait pour partager ça, comment on fait pour apprendre ça, quel instrument on utilise, tu vois, nous on a fait l'atlas des chartes des communs urbains, est-ce qu'on peut prendre des choses comme ça et consolider, faire un outil de culturel, un outil d'apprentissage, un modèle de un jeu, un modèle de rencontre autour de ça, les commons tours, comme tu dis. Tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour discuter de ces thèmes, c'est aussi vraiment pour... Et c'est ça qui fait qu'on avance. Oui, les éprouver. Tu vois, les éprouver. Ouais. Mais par exemple, nous avons pensé d'organiser un Commons Cup. Excusez-moi. Non, mais c'est seulement que ta proposition, c'est très belle, donc tu peux continuer. Non, je voulais dire que... je crois que c'est important aussi d'envisager la coïncidence du Forum mondial. C'est-à-dire que qu'il faut, je crois, mais c'est mon opinion très personnelle, penser qu'est-ce qu'on veut emporter au Forum. Donc oui, je crois que c'est très important de partager des outils parce que c'est ça qui te donne le pouvoir de faire quelque chose. Mais dans ces cas-là, comme on est dans un processus européen et on a de l'argent pour le faire et on a aussi une place pour apporter des contributions. Donc je crois que les étapes de Naples ou de Belgrade, Slira, Belgrade, etc., ça devrait aussi penser à vraiment élaborer, apporter des propositions ensemble. Et comme ça, on pourrait aussi donner plus de on pourrait faire des discours un peu plus concrets des thèmes qu'on adresse. C'est ça. Oui, une pause de 5 minutes. Une pause de 5 minutes. Peut-être que Monica, David, revient. Non, parce que là, non, c'est le signe. Ah! Ah, perché volevo dire in italiano. Sì, sì, ma in effetti... Ah, vabbè, ti parlo in inglese, va bene. Je commence moi? Ok. Alors, pour... juste la dernière session, on a fait un premier, une première discussion, principalement sur le Commons Camp, de l'idée de Commons Camp à Naples. On était 5-6 à peu près, avec des gens de l'Asilo et des gens et de Remix, et on a fait une première discussion sur comment le Commons Camp a fonctionné, comment est-ce qu'on est arrivé là. On a discuté principalement de l'organisation du Commons Camp, des possibilités de faire le Commons Camp à Naples, et aussi un petit peu de la campagne de financement pour le festival, pour le forum social de Barcelone. Donc l'idée là maintenant, c'est qu'on ne va pas répéter exactement la même chose, mais c'est plutôt de, je pensais, peut-être d'élargir le sujet, y compris de réfléchir à la manière dont on peut rentrer dans le détail des articulations. Par exemple, moi, je sais que... J'ai les organisateurs du Forum Social Mondial de Barcelone, ils nous ont demandé à Remix d'être partie prenante de l'organisation. Très concrètement, on a beaucoup de difficultés à participer à l'organisation, à être dans les moments de coordination, les réunions, etc. Et donc, je m'interroge sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre organisation, que ça soit peut-être pas qu'une seule organisation qui joue ce rôle-là, mais comment est-ce qu'on peut mieux partager la relation avec le forum. C'est un exemple de question que je pense qu'il faut partager, et je pense qu'il y a d'autres... Il faut ouvrir les questions. Je sais pas si vous voulez peut-être que... je sais pas. J'ai fait le résumé d'avant. Et puis... Est-ce que ça va? Alors, ce que je disais, c'est que on s'est rencontrés pour discuter de la possibilité de faire le Commons Camp à Naples. On a discuté de la date, on a discuté de qu'est-ce que c'est qu'un Commons Camp, quels sont les principes généraux, comment on a organisé les Commons Camp de Grenoble et de Marseille pour nourrir la réflexion sur comment on peut organiser celui de Naples. On a parlé de la relation entre le Commons Camp et les autres moments comme le Forum Social Mondial. On a parlé des différents outils qu'on est capable de mobiliser, des différentes ressources qu'on est capable de mobiliser. Voilà, on a essayé d'éclaircir un petit peu tout ça. On arrive à l'idée qu'à Naples, il faut qu'ils décident la date finale, fin avril probablement. Il faut qu'ils décident comment ils mobilisent aussi le réseau national des communs pour participer à l'organisation de la rencontre à Naples et comment est-ce qu'on se préoccupe, comment est-ce qu'on s'organise aussi par rapport au Forum social mondial, notamment sur la question de soutenir la venue de gens qui viennent des pays du Sud. Peut-être quelqu'un d'autre qui a participé à cette réunion tout à l'heure peut compléter le résumé si vous voulez. Moi je suis Maria Francesca de Naples et la discussion s'est terminée un peu sur cette réflexion de comment on peut peut-être, si l'on croit qu'il a du sens, de commencer à partir avec un parcours vers Barcelone si on veut emporter des propositions partagées. Donc si on veut utiliser le Commons Camp pour emporter des propositions partagées au Forum de Barcelone. Ou si cela ne nous intéresse pas, ou si cela nous intéresse, comment on peut le faire et comment on peut bâtir ces mouvements. Ah, et aussi les dates, on avait envisagé soit les week-ends du 17 au 19 d'avril, ou le week-end du 24-26 d'avril. Et on voulait aussi demander au réseau, donc à vous, si vous croyez qu'il y a des autres événements qui peuvent aller en conflit avec l'un ou l'autre des week-ends qu'on avait envisagé. Donc si vous avez sur les agendas des autres événements dans le week-end du 17 ou du 24. Ou le 17-19, ou du 24 au 26. À Naples, le Commons Camp. Donc j'ai demandé si dans un ou l'autre de ces week-ends, il y a des autres événements qui se déroulent ou des raisons pour le faire dans l'une ou l'autre date. Je crois qu'on avait un rencontre à Grenoble, mais elle était déplacée déjà, on a déjà anticipé ça, je crois. C'est déplacé au mois de mai. Ouais. C'est déplacé. En tout cas, Elisabeth avait déjà confirmé dans la dernière réunion téléphonique que c'était après. Ouais. Elle avait confirmé que c'était au mois de mai. Ouais. Donc, c'est bonne nouvelle, c'est que vous pourrez participer. Très bien. Questa quindi è una questione della campagna, del match funding, da qui. Ok. Giacomo porta questa questione di match funding, perché lei è in train di lanciare una campagna per recueillir de l'argent che serve per apportare delle persone des altri continenti al Forum Mondial Social di Barcelona. Il y a 5000 euro disponibili per la Fondazione Leopold Mayer. Mais il y a besoin d'un match funding, d'un co-financement. Donc la requête c'était un peu d'aider si on peut faire ensemble, si on peut soutenir cette campagne. L'idée c'était de la lancer dans deux semaines sur la plateforme Goteo. E avevamo pensato di fare appunto una riunione, magari tutti quelli che vogliono implicarsi appena prima di lanciare. Donc on pensait à faire une réunion par vidéoconférence, téléconférence, un peu avant de la lancer pour se coordonner, pour soutenir ensemble cette campagne. Et plus, on peut aussi les aider en cherchant à trouver des autres financements, donc des autres formes de financement, des autres sources qui peuvent donner des match funding ou des financements autonomes pour leur même but, d'avoir des personnes qui ne sont pas européennes forcément dans les forums de Barcelone. nous a expliqué que c'est très important parce que même si on arrivera peut-être à emporter que 15-20 personnes, mais c'est quand même très important et parce que si on les choisit bien, ça nous apporte quand même des connaissances, de l'énergie que nous n'avons pas parce que ce n'est pas notre continent. Et donc, si vous avez aussi des suggestions pour les personnes qu'on pourrait inviter, qui soient très représentatives de leur pays ou des communautés ou d'une cause. Sì, noi abbiamo preparato un link con Excel e l'idea è fare una lista di persone, spiegare qualche comunità rappresentano e perché, se chi lo sta suggerendo pensa che è importante ci sia. Ils vont envoyer un lien sur un Framapad pour recueillir des idées sur la, avec le nom de la personne qu'on suggère et à quelle expérience elle appartient et pourquoi vous pensez que c'est une personne qui se serait utile d'inviter. Et on pensait aussi à faire une vidéo de lancement de la campagne avec 5 minutes d'introduction et après une minute en faisant parler des personnes justement de dehors de l'Europe pour expliquer pourquoi ce serait important de pouvoir aller au Forum économique mondial de Barcelone. Donc si vous en connaissez, même discours, on pourrait demander de faire ces petites vidéos. Et c'est tout. On demande où c'est le forum. Peut-être qu'il faudrait faire une petite introduction. Moi Alors, on va faire à deux alors. Donc le forum social mondial de Barcelone, il se déroule à Barcelone. Forcément. Il se déroule à quelle date exactement? C'est 25 au 28 juin. Du 25 au 28 juin, donc à Barcelone. Et c'est un forum social mondial des économies transformatives. Ça veut dire que le forum social mondial, c'est un cadre qui a été développé à partir du début des années 2000 où la logique c'est que les mouvements se rassemblent pour travailler ensemble sur les questions qui les intéressent pour élaborer leur campagne, élaborer leur stratégie commune, se mettre d'accord, échanger leurs idées, échanger leurs pratiques, etc. Et le forum de l'économie transformative, il est organisé à partir de 4 axes, c'est ça? Adesso, strutturalmente si è un po' cambiato, diciamo che il pre-forum di aprile che già c'è stato. Il a un peu changé. Je vais raconter le. Parce qu'il y a un 4 thèmes. Adesso non c'è. D'accord, et après tu expliqueras. Alors, au mois d'avril dernier, il y a eu un. Alors, le forum. Ce forum est porté par les organisations de l'économie sociale et solidaire, beaucoup, notamment le RIPES. On n'entend pas. C'est vrai. Rapprochez-vous. Il est organisé notamment par le RIPES, par le réseau de l'économie sociale d'Espagne et par le réseau d'économie sociale et solidaire de Catalogne, je crois. Qui sont les organisations qui ont lancé cette idée-là. Ces trois organisations, il y a maintenant plusieurs organisations qui se sont regroupées pour faire partie du groupe d'organisateurs. Nous, Remix, on nous a invités à faire partie de ce groupe d'organisateurs, donc on fait aussi partie de ce groupe d'organisateurs. Il y a aussi une organisation, à partir de là, il y a eu plusieurs choses qui sont organisées, notamment l'idée qu'il y ait des choses au niveau local, national, qui se développent. Ça, on va rentrer dans les détails après. Peut-être tu pourras en parler un petit peu au niveau local. Juste, je donne juste le fil Comment ça s'est passé pour nous? Ça a été, on a commencé d'abord à participer à la rencontre qui était organisée en avril, qui était donc à Barcelone et à laquelle il y avait à peu près 500 personnes qui participaient. Voilà, entre 400 et 500 personnes qui participaient, qui venaient du monde entier. Et on a commencé à travailler sur qu'est-ce que ça va être ce forum. Et ce forum, cette rencontre-là était organisée par quatre familles d'économie transformative. La famille de l'économie solidaire, économie féministe, économie agroécologique et économie des communs. Et donc on a eu des temps, différents temps de travail, on est plusieurs à avoir participé à ça. Kevin, tu étais là, Giacomo, Monica, Raquel, David, peut-être d'autres personnes qui sont ici, je ne sais plus. On a essayé à partir de là de commencer à imaginer comment va se passer le forum. En même temps, ça a été l'occasion pour l'axe des communs de se rassembler. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rassemblé en Europe. Ça a été l'occasion de se rassembler et de travailler ensemble sur la dynamique des communs en Europe. D'accord ? Donc, c'est aussi le Commons Camp, il a aussi été nourri par cette dynamique-là. Après, ça a évolué, et là, je te donne la parole. Praticamente nel pre-forum una delle cose che si sono discusse e decise. Il y a un pre-forum où on a décidé de discuter des choses. Fu esattamente di non avere più degli assi tematici su questi quattro che ha descritto. E una delle cose è di non avere dei quattro assi tematici che on avait envisagé. Però no, il gruppo di Commons che era partecipa a questo pre-forum, la rete, il réseau de Commons che partecipa a questo pre-forum, ha deciso di mantenere il contenuto su Commons e quindi come lavorare, continuare a lavorare su Commons. Ha deciso quand même di mantenere il contenuto su Commons, quindi ha continuato a lavorare su Commons. Per adesso c'è una commissione contenuti del forum in generale, non del Commons, ma del forum in generale c'è una commissione contenuti. Maintenant, il y a une commission du forum en général, pas forcément les communs, en général du forum qui s'occupe des contenus. Et in questa commissione, se volete, comunque potete partecipare a prescindere se partecipate nei commons. Chiunque? Sì, c'è una piattaforma online nella quale ti iscrivi, puoi partecipare al dibattito, puoi partecipare alle commissioni. Donc, n'importe qui peut participer à cette commission qui décide les contenus du Forum de Barcelone à travers une plateforme, même si on n'est pas parti du réseau des communs. Find a way to get in contact with us. There's a mailing list. You can find the different groups, the different working groups and commissions on Desidim, and you can contact us there. We have a mailing list and a Telegram channel for discussion. I can on this forum. transformadora.org or I can write it. I will write it. Yeah. Je suis en train d'essayer de prendre quelques notes. Je les prends en espagnol et dans le pack que tout le monde peut trouver sur le chemin. Et je mets tous les liens qu'on est en train de mentionner. Moi, vis-à-vis de toute cette dynamique-là, j'avais abordé à un moment donné la question de liens et des alliances avec les organisations des migrations. Et pas seulement de penser dans un cadre comment on est solidaire avec les gens qui viendraient extra-européens, mais également toutes les communautés qui sont là, présentes, qui sont au cœur des villes. Et du coup, en particulier, question d'économie populaire et d'alliance avec toutes les personnes qui sont dans les organisations de soutien aux travailleurs informels et de soutien aux gens qui travaillent dans le cadre des marchés, qui travaillent dans l'espace public. Et il me semble que les alliances qui peuvent être créées, notamment sur la question de la défense, l'alliance de l'occupation des espaces publics, peut être forte. Si on prend par exemple ici, dans la lutte qu'il y a eu ici sur la place de la Plaine, je ne sais pas si c'est Marseillais ici, la défense du marché de la Plaine était aussi une revendication que la défense des usages en commun et d'autoconstruction, de bancs. Et donc il y a vraiment une alliance qui s'est faite avec les gens qui vendent à la Plaine. Ici, Marseille, c'est un gros centre de circulation de produits qui viennent du monde entier et qui alimentent les marchés. Par exemple, on travaille avec Jawad dans un quartier à Grenoble où une partie des marchandises viennent de Belzunce, ici à Marseille, et que créer des alliances avec les commerçants qui occupent les marchés, les espaces publics et qui défendent des droits d'occupation dans les espaces publics nous paraît des orientations importantes pour qu'on ne parle pas juste des coopératives de façon on va dire que les coopératives, on va dire, de produits bio, du biologique ou de l'organique, même s'il faut parler de l'agroécologie et du bio, mais également de toutes les personnes qui ont des formes de travail en commun et des stratégies entre les différentes villes. Par exemple, nous, à Grenoble, une autre entrée de nos produits, c'est Belzunce, et la seconde, c'est Torino. Parce qu'il y a le grand marché de Turin, qui est un grand, grand marché populaire, et avec qui on aimerait bien avoir des organisations, éventuellement à Turin, je ne sais pas si elles existent, qui travaillent avec les marchands, parce que derrière, en fait, c'est là où il y a de l'emploi, en particulier pour les personnes migrantes, et c'est là où on peut mener des luttes aussi pour le droit des migrants en Europe. Et il me semble que c'est des axes sur lesquels on souhaiterait en tout cas travailler. Et on aimerait que ce soit présent dans les thématiques éventuellement, qu'on puisse travailler d'ici Barcelone, pour se retrouver à Barcelone avec des liens avec ces organisations. Je crois que c'est super intéressant. J'ai parlé avec beaucoup à voir avec les préoccupations qu'on avait dans le groupe de comment on intégrer des personnes qui sont différentes à nous. On peut travailler à chercher des liens avec des autres personnes qui sont aussi dans le forum, que peut-être pas nécessairement ils sont dans les communs, mais. Et aussi, il y a Nanti qui est une personne qui est très active dans le groupe et qu'elle va être aussi intéressée à ça. Donc, on peut en parler quand on est déjà à Barcelone. On fait une des meetings online et on essaye et on commence à créer ces liens. Mais peut-être qu'il y a des initiatives en Italie, à Napoli, qui soient similaires. Pas seulement à Barcelone ou à Grenoble, voir si il y a des liens ici à Marseille ou comment on travaille. Moi, je trouve que c'est super important de montrer que de montrer et puis aussi de voir entre nous que quand on parle d'économie solidaire ou quand on parle de l'économie transformative, il y a vraiment une dimension très forte que la réalité de l'économie, ou en tout cas que la place de l'économie populaire ou l'économie communautaire, selon comment on l'appelle dans les différents endroits, et que la grande variété, la grande diversité de ce que ça veut dire concrètement, ça, que c'est quelque chose de super important. En fait. C'est-à-dire que je reviens, enfin, c'est ce que tu disais sur le. Il ne faut pas montrer seulement les coopératives parce que c'est un modèle qui devient le modèle général, ou les SIC, ou je ne sais pas quoi, mais que en fait, il y a l'économie qui est invisible, qui est rendue invisible. Pour nous, un des défis, c'est comment est-ce qu'on rend cette économie d'agriculture plus visible aussi. Et que ça, pour nous, pour les communs, je pense que c'est un défi qui est vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on le travaille? Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore pas clair en fait, pour nous. Juste une chose, vous pouvez parler plus de ce globalement, si oui. J'arrive pas à traduire. Tu veux que je répète? Non. Ici, en réaction à vos deux interventions, moi, ce sur quoi je travaille, c'est pas mal beaucoup le médicament. Et c'est typiquement un domaine où on est dans des échelles industrielles qui sont souvent compliquées à discuter dans l'univers des communs, parce qu'on est souvent, même si pas que, mais on est souvent sur du très local, enfin local. Donc moi, ça m'intéresse, dans le cadre de Barcelone, que peut-être on arrive, parce que je crois qu'on commence à approcher le moment où on peut, sur des problématiques comme ça, où en fait, les problèmes qu'on rencontre, c'est en gros le capitalisme globalisé, et comment est-ce qu'on traite ça, ramener ça à, par exemple, en Europe, la question des pénuries de médicaments, sur des médicaments de base ou des vaccins de base, ça ouvre en ce moment sur une discussion sur si on a l'expertise chimique en Europe, si on a des potentialités industrielles qui ne sont pas dépendantes de multinationales mais inscrites dans des territoires. Et c'est le cas, comment on peut organiser comme un commun la production de produits de santé basiques extrêmement essentiels. Donc là où le capitalisme globalisé n'y répond plus. Donc j'aimerais bien, enfin moi ça m'intéresse dans la perspective de Barcelone de réussir à faire la passerelle entre les échelles très locales et les réflexions plus, pas forcément monter toujours en échelle, mais dire au niveau régional, au niveau européen, on a des capacités d'adresser des questions comme ça, qui autrement ne sont gérées que par le capitalisme globalisé. Je pense qu'il peut y avoir possiblement une piste pour une économie transformatrice qui sera peut-être pour les médicaments, mais de manière aussi plus large, qui est celui que, par exemple, une coopérative qui se montrait, au final, ces coopérateurs sortiraient de leur rôle de producteur et viendraient des coordinateurs pour essayer de participer. Du coup, des bénévoles, on va les appeler, qui ne sont pas vraiment, parce qu'on va valoriser éventuellement leur participation de temps. Donc du coup ça permettrait d'avoir deux fonctionnements. Un vis-à-vis de l'extérieur de ce réseau, donc où les personnes commercialiseraient ce qu'elles ont produit au prix de marché, tout simplement. Et là, entre guillemets, la participation bénévole peut justement redonner de la qualité économique à certaines activités qui n'en ont plus, compte tenu d'une concurrence déloyale internationale. Et parallèlement à ça, proposer également du coup un prix plutôt social, participatif, où il n'y a que beaucoup en fait tout simplement des matières employées et la main-d'œuvre est valorisée sous forme de temps. Donc on peut donner un exemple pour essayer de le rendre plus compréhensible. Quelqu'un qui veut faire un vêtement textile fait de fibres naturelles et de teinture végétale, par exemple, sur notre territoire, a très grande chance en fait, de se retrouver travailleur pauvre. Parce qu'il va y avoir, par exemple, 10 euros de matière première, 50 euros de main-d'œuvre. Alors, là, dans ce mode de fonctionnement, et que le marché moins de 50 euros. Les coopératives qui se montent, les coopérateurs deviennent des coordinateurs, font participer les bénévoles, réduisent le coût de la masse salariale, vendent au prix de marché, sans perdre de l'argent, mais en gagnant. Et parallèlement à ça, proposent du coup un autre prix, qui va être par exemple 15 euros, parce qu'il y avait 10 euros de matière première, plus 5 euros de structure impossible qu'on est obligé de récalculer, plus 3 heures de temps. Et donc en fait au final ça permet par ce modèle-là de répondre aussi bien aux besoins au niveau local que de capter en fait au final l'argent vis-à-vis de l'extérieur du circuit. Quoi. Voilà, une autre manière de s'organiser. Mais pour ça, après, il y a le cadre légal aussi qui peut être contraignant pour mettre en place de telles disciplines. Mais ça va de pair, je dirais, avec un réseau d'ensemble, je veux dire, où il y aurait un ensemble d'acteurs qui produiraient biens et services dont on a besoin. Il faut réussir à atteindre, je dirais, un seuil critique à un moment donné où le panel de ce qui est offert est suffisamment intéressant pour pouvoir envisager s'investir dans une forme d'économie du temps. Voilà. Alors, un point d'ordre. Il nous reste 5 minutes. Alors, c'est court. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on pourra, ceux qui veulent, on pourra continuer cette conversation, bien sûr en ligne, etc., comme on fait d'habitude. Peut-être pour ceux qui restent plus longtemps après 14h demain, on pourrait éventuellement continuer cette conversation aussi, selon les horaires de départ, de train, etc. Et ce que je voulais vous proposer, c'était que dans les 5 minutes qui restent, ceux qui veulent vraiment dire quelque chose, qui pensent qu'il faut absolument qu'ils le disent maintenant, le disent. Comme ça, on leur donne une minute à chacun, on partage le temps entre les personnes qui veulent dire quelque chose de très important. Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, sur ce qui était informel, on porte le projet de Exporter, où on travaille justement dans cet objectif de voir un petit peu comment par le bas toute cette économie qui échappe aux indicateurs qui n'arrivent plus à quantifier et non pas être dans le qualitatif. Donc on essaie de trouver une méthodologie. Effectivement, c'est une méthodologie qui est compliquée parce qu'il faut traiter un territoire qui est plus ou moins vaste. Avec, par exemple, pour nous, à Grenoble, c'est la Villeneuve et 15 000 habitants. Donc, il y a une notion de temps, donc il y a une fédération à créer, à aller dans les lieux où il y a ces productions-là, ces territoires qu'on a bien identifiés, faire un travail avec les acteurs qui connaissent déjà, qui ont l'expérience du terrain, qui peuvent nous ramener tout ça. Donc, on est en train de construire ça. On avance plus ou moins correctement, parce qu'on a des retours qui sont assez positifs. Et notre objectif, c'est de pouvoir présenter quelque chose à Barcelone. On a borné notre travail, et si vous voulez, on tient au courant au fur et à mesure. Et pour ceux qui veulent, demain, on peut refaire une petite présentation. Oui, comme je le disais, je suis de Naples. Et où va se dérouler la prochaine commande? Donc, je voudrais juste très bref, j'ai un pièce papier et un stylo, recueillir des adresses mail et peut-être des propositions de thèmes, des adresses mail de ceux qui veulent, qui sont intéressés à participer à la construction du programme de Naples, du Commons Camp qui va se dérouler à Naples. Et peut-être aussi c'est des propositions de thèmes, mais aussi peut-être un peu articulées. Je la laisse là. Ce sera quand, madame? Ce sera soit au 17-19 d'avril, soit au 24-26 d'avril. Juste pour être sûr, en fait, c'est quand on entend ce qui s'est dit là, c'est qu'il y aura un espace pour partager des pratiques d'économie qui peuvent être implémentables sans que ça passe par des organes collectifs, en fait. Enfin, juste. Des façons de se mettre en lien, en fait, que ce soit par exemple qui est un espace qui permette de partager les pratiques qui sont faites. Ça, c'est assez intégré, c'est en discussion. La question, c'est est-ce qu'il existe un espace pour ça? Avec le forum, dans le programme du forum, de tout ce qui est ressorti, des élans, des intentions du forum. Alors, ça. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais c'est ce qu'on essaye de construire. Donc, tu peux rejoindre. C'est important que les gens rejoignent aussi les collectifs d'organisation. Alors, on fera circuler les liens vers le forum, vers les éléments de préparation du forum, les listes de discussion, l'axe des communs. Comme ça, vous aurez ces informations-là. Je vous propose qu'on arrête là. Comme ça, on... Merci. Sorry, very bad. Oui, en partie avec Maria Francesca et avec Giacomo. C'est quoi ta question en fait ? C'est pour pouvoir faire à qui je peux demander et quand. Demander quoi ? Pour pouvoir faire une sorte de synthèse. Peut-être que tu peux demander soit à Monica, parce qu'elle est de Barcelone et que du coup elle est vraiment au cœur du truc, soit à Giacomo. Ok, et il parle français ou pas ? Moi je vais aller chercher, je me suis été personne avant. Ok. Rochelle va se tourner. Il faut faire un cercle. On se retourne pour regarder. On se retourne. Okay. Le spectacle lui. C'est bon ? Les micros sont là-bas. Je vais aller voir si c'est encore prêt. Autre manière d'intercaler entre chaises de façon à ce que on fasse un arc de cercle dans ce sens-là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez réarticuler un petit peu les sièges pour que on puisse profiter d'un cadeau qui nous est offert. Voilà, est-ce qu'on peut même ça s'installer tranquillement. Est-ce qu'on peut s'installer tranquillement? Est-ce qu'on arrive à trouver des chaises, à s'asseoir l'un à côté de l'autre pour continuer nos conversations? Allez-y. Voilà. Très bien. Oh, bah, bon,